Ça abîme le lit de l'Ugol, et en plus, il y a quand même le pas mal de batteries. Oui, mais les pièces sont parce qu'en plus, c'est salé, tu vois un peu. Grosse bagarre entre ceux de Montgenèvre. La carrée, la carrée est beaucoup plus grosse. Elle vient de plus loin. Beaucoup plus grosse. Elle vient de plus loin. Oui, ça, c'est la grosse. Mais ceux de Montgenèvre, ils disent non, elle est là. Parce que c'est le plus haut. C'est la carrée, mais on pense beaucoup moins en haut. Non, pas beaucoup. Moins haut. Après, la bagarre avec la soupe.